qui vous a contacté pour chanter l'hymne national pour le match de dimanche? Bon, c'est pour, c'était pour Michel, le coach, avec sa femme. Oui. Et c'est Sylvain Guimond, le psychologue des. Le psychologue sportif. Qui est mon ami. Oui. Donc, je ne peux pas y refuser ça. Il m'a fait l'amour trois fois. Ah, ouais. Du charisme, il n'a pas la langue de bois, vraiment, il ferait un bien mauvais ministre libéral. Accueillons le premier ministre de cette soirée qui est encore jeune, votre animateur, Jean-Philippe Faux! Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre du nouveau conseil des ministres. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir! Hey, grosse surprise au conseil des ministres, quand même. Pas tant que ça, quand même. Là, tout le monde le voyait, M. Barrette, au ministère de la Santé. Non, non, je parle pas de ça. Ah. Je parle des autres nominations. Ah, excusez-moi. Il y a eu des surprises, quand même. Là. Sam Hamad, ministre du Travail. Ouais. Sam Hamad. Il avait même surpris lui-même, je pense, quand il l'a su. Je suis même pas sûr qu'il le sait encore. Non, il est peut-être pas au courant. Il est au courant de rien. Non. En tout cas, on va avoir trois ministres pour gérer l'austérité. Ben, c'est une bonne nouvelle. On a Martin Coiteux, qui est au Conseil du Trésor. Oui. Carlos Letao, qui est aux Finances. Et Jacques Daou, qui est au ministère de l'économie. Hey, ministre de l'économie, ça fait quoi exactement ça? C'est nouveau, ça? J'imagine que ça économise. Ah! Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Tout comme d'ailleurs Jean-Denis Girard, qui va être ministre de l'allègement réglementaire. Ah, c'est pas une blague. Ça, c'est très spécial, ça. Ouais. Mais là, s'il est compétent, il arrive quoi? Ben, c'est ça. S'il allège trop, ben, il n'y aura plus de job. Il n'y aura plus de job. Évidemment, c'est. D'après moi, ça ne changera pas. C'est une roue qui tourne. Sinon, ben, on a appris aussi que Marguerite Blais n'allait pas avoir de ministère. Ben oui. Hein? Elle était très déçue. Oui. Ben. Mon Dieu. Les gens sont plus déçus qu'elle. Ben oui. Bon, on l'a reçu il y a quelques semaines. Ouais. Sinon, il y a Julie Boulay non plus qui n'aura pas de ministère. Ça, c'est, Jean-Lapierre non plus n'aura pas de ministère. Il n'a même pas été élu. Ah ouais, mais c'est tout un libéral quand même. Ouais, c'est un bon ministre de la communication libérale au 98.5, par exemple. une surprise, Hélène David, la sœur de l'autre, au ministère de la Culture. Oui, ça c'est une première quand même. Un membre de Québec solidaire qui devient ministre libéral, on n'a jamais vu ça. À mon avis, c'est le plus proche que Françoise David va être du gouvernement. Oui. Non, mais la touche à sa sœur, là, c'est... Ouais. À mon avis, les périodes de Noël et de Pâques comme ça, là, ça va être les moments où est-ce qu'elle va être très, très près du gouvernement. Non, mais quand même, c'est pas rien. Mais on va revenir à l'essentiel, évidemment. Oui. Le Canadien qui a gagné sa série contre Tampa Bay. Oui, ouais, enfin, des bonnes nouvelles! Les gens sont plus contents quand on parle du Conseil des ministres que des Canadiens de Montréal. C'est pour vous parler de la qualité de notre public. Oui. Non, mais c'est des bonnes nouvelles, ça, Canadien. Oui, c'est des bonnes nouvelles, mais pas tant que ça. On a su, il y a le commentateur Ron McLean de la CBC qui a dit que les arbitres francophones n'avaient pas leur place au Centre Bell. Mais là, franchement, déjà qu'on n'entend plus de français au Centre Bell, si on nous enlève les arbitres en plus, là. Ah, mais Fred, je vais dire comme Philippe Couillard, tant que les arbitres parlent bilingue sur la ligne de montage, le reste, ça ne nous regarde pas. OK? J'avoue! Mais paraît que la victoire du Canadien a inspiré beaucoup de membres du Parti québécois. Ah oui, ils vont demander à René Bouc de se présenter à chefferie? Non, en fait. Il parle même pas français, lui. Ah, ah. Non, non, ils veulent que Ginette Renault chante là, au Canada au début de chaque congrès national. On porte la chance. Boost. Vas-y. On a reçu une autre mauvaise nouvelle, hein? Les coupures à l'émission Enquête. Ben oui. Moi, c'est drôle, me semble que j'aurais coupé, genre, moi, je sais pas, Cap sur l'été. Cap sur l'été? En tout respect pour Marie-Josée Simard, là, mais me semble que. T'ailles faire. Ah! J'ai les mélanges. Ouais. Mais il paraît que c'est Marc Hervieux qui va faire les enquêtes sur la mafia. Ah, oui, hein? Enquête. Il connaît ça, le chantage. Ah! Et mon Dieu, que les gens réagissent à pas grand-chose. Ouais. Ça va être court, cette heure-là. Sinon, quoi d'autre? Il y a Joël Legendre qui a fait parler de lui cette semaine, l'avez-vu? Hein? Ben oui, il paraît qu'il est enceinte. Hein. Il a vraiment tous les talents. Là. J'en reviens pas. Il est pas enceinte, il a fait appel à une mère porteuse. Ah! Ouais. Pas Élise Marquis, toujours? Ben non. Ben non. Ben, ça peut être elle, elle vient de perdre son émission. Là, Non, c'est la RAMQ qui va rembourser la mère porteuse, Fred. Ah oui? C'est-tu pas beau, ça? Mon Dieu. Hein? Hey, c'est clair. Mais ça avantage les enfants, ça. Hein? Quand c'est deux pères comme ça, ça fait deux vrais salaires dans la maison. Oui, parce que sinon, c'est une baisse de revenus de 20%. Et voilà, et ouais. Voilà. Ces enfants-là manqueront de rien. Non. À part une mère. Non, mais ça, regarde. En même temps, Joël, je veux dire... Il y a tous les talents. Ouais, ouais. OK, sinon, mauvaise nouvelle qui nous vient d'Ottawa, et ça, c'est pas une blague, là. Il y a le gouvernement conservateur qui veut assouplir les règles pour protéger les baleines à bosse. Mais là, voyons c'est pas une blague, pourquoi? Ça. C'est quoi l'affaire? Ben, en fait, c'est ouais, je sais, non, c'est pour faire passer du pétrole dans les pipelines sous-marins. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est dégueulasse. Les baleines sont dans une espèce menacée. Je sais, mais rassurez-vous, le gouvernement Couillard a trouvé une solution pour sauver les baleines. Oui. Ah oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, il leur donne un ministère. Ah! Hey! Je suis désolé. C'est pas drôle, ça. C'est un problème de glande, ça. C'est souvent un problème de glande. C'est pas drôle, pour vrai. Mais chez les baleines. Oui, les baleines. Les baleines. Mais enlève la glande d'une baleine. Là. C'est gros comme un mené. Hein. Ah oui? Sinon, je sais pas si vous avez vu ça, il y a une nouvelle étude canadienne qui démontre qu'un Canadien sur trois a déjà été victime de violence au cours de sa vie. C'est vrai? Ah oui, c'est... Et les deux autres tiers? Ils sont dans la police. Ah! C'est une facile. Oui, c'est... Oh, on voulait la faire. Mais heureusement, nos invités de ce soir ne sont pas dans la police, mais ne sont plus dans la police. Ouais. Oui, parce qu'on reçoit le nouveau ministre des Transports, M. Robert Poitty, oui. Un ami d'émission. On est très content. On est très content. Hein? Me semble qu'une ancienne police au ministère des Transports, là, c'est comme, ça marche pas. Moi, je trouve que c'est une ancienne police au Parti libéral. Ça marche pas. Pas comme se tirer dans le pied. Enfin... Sinon, on soit également. On va en trouver des façons de rire du Parti libéral. Oui, ça commence, ça s'en c'est vient. C'est plus facile avec le Parti québécois, mais regarde. Qu'est-ce que tu veux? On va trouver des façons. Sinon, on soit également la comédienne et nouvellement humoriste Valérie Blais. Oui! Une comédienne qui devient humoriste, c'est pas souvent qu'on voit ça. Habituellement, c'est l'inverse. Ah, vous voulez dire comme Stéphane Rousseau, par exemple. Oui, mais bon, là. Ah, avec du talent. OK, de toute façon, on aura le temps de trouver un meilleur exemple, Fred, parce que la soirée est encore jeune! Olivier. Salut, c'est moi. Ben oui! Ben les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire cette excellente prédiction du maire de Saguenay, Jean Tremblay. Il n'est pas loin le temps où nos jeunes abandonneront la drogue et rempliront nos églises. Je dis ça comme ça, mais peut-être que Jean Tremblay devrait arrêter de fumer l'opium du peuple avant de tweeter. OK, on passe au courrier des auditeurs. Les gens l'ont ri, celle-là. Moi, je la comprends pas encore. C'est pas grave. Vous y penserez. OK. D'abord, il y a Michel et Paula Tremblay qui possèdent une adresse de courriel commune. Ils nous disent « Allô, est-ce que Jean-Sébastien Girard est un personnage de voix de vous autres comme le Dr Barrette ou Jean-Michel Eude? » Ben, non, Jean-Sébastien existe pour vrai. C'est Fred qui est un personnage dans la vraie vie. Dans la vraie vie, Fred est beaucoup plus beau que ça. Et voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sinon, vrai. Infoman qui demande « Pourquoi avez-vous écarté votre palmarès la semaine comme si c'était Julie Boulay? Il était bon, non? » Non. Non. Enfin, Max Lapp nous dit « J'aimerais savoir ce que Vautier pense de la poutine de chez Goofy. Sérieux, moi, je la trouve pas si bonne. » Ça, c'est un restaurant d'Allemand? C'est ça. Ah, ben, ben bonne. OK. C'est pas fermé, ça, Allemand? Allemand? Oui. Non, ils ont rouvert une succursale à Arvida. Mais on s'en parlera. OK. On va les trouver, on va les trouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, mon bonjour, Philippe. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ah, c'est bien, mais quand même, honnêtement, un peu choqué, j'en suis. Ah, comment ça, donc? Je pense que vous le savez, vous venez d'en parler, la grosse nouvelle de la semaine, c'est la nouvelle maternité de Joël Legendre. Oui, ben oui, il attend de délicieuses jumelles. Oui. Oui, et on sait que pour ce faire, il a fait appel à une mère porteuse, c'est qu'on est in vitro payé à même nos taxes, Jean-Pierre. Oui, je sais, Alors évidemment, on a entendu beaucoup de choses cette semaine sur l'affaire Joël Legendre, oui. Paris Cochet, surtout le dossier de la procréation assistée. Mm-hmm. C'est si bien qu'on commence à être un petit peu mêlé. Alors on va faire la lumière sur cet épineux dossier aujourd'hui avec un spécialiste, M. Alain Roy, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Oh, c'est pas de la marde, hein? Non, madame. Monsieur. Et on va donc tenter ensemble de comprendre c'est quoi ces niaiseries-là, mon bonjour Philippe. Ben, vous allez encore abattre des préjugés pour nous. Vous êtes un peu comme la Jeannette Bertrand des temps modernes, hein? Oui, laissez-moi ma piscine! Allez, on dirait du Claude Landry. C'est tellement niaiseux. Notre premier invité, Fred. Devenu ministre du Transport et de la Région de Montréal depuis mercredi, on espère qu'il est venu en métro ou en bixi, mais on dirait qu'on en doute. Accueillons M. Robert Poitty! Monsieur le ministre! Salut! Ah, monsieur le ministre, la première fois qu'on vous a reçu, vous étiez à peine candidat. À peine candidat, il y a 19 mois, effectivement. La deuxième fois qu'on vous a reçu, vous étiez un petit député de l'opposition. Notre persévérance a payé, monsieur Poitty. Là, on a un ministre qui est ami de l'émission. Donc, j'espère que... Vous n'avez pas de carte chouchou ici? Ben non, mais... Ça m'intéresse. On va vous donner notre téléphone cellulaire. On espère qu'il va y avoir de la belle asphalte autour de Radio-Canada. Ben, écoutez, ça, on va pouvoir parler avec Denis un petit peu, par exemple. Denis Coderre! Bien sûr. Alors, Denis, qui, je pense, donne un bon coup de main à Montréal. Je pense que l'atmosphère de Montréal, les citoyens, ce qu'ils perçoivent de la part de M. Coderre, c'est que cette métropole-là va reprendre la place qu'elle doit avoir au Canada, au Québec. Et je pense que M. Coderre fait un excellent travail. Ben, la première chose que M. Coderre a fait, en tout cas, c'est nous rappeler que ça existait un maire à Montréal. Parce que avec M. Tremblay, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'on ne se rappelait plus c'était quoi. Mais là, je vois que vous parlez déjà de M. Coderre. Vos relations avec Denis sont bonnes? Elles sont excellentes. Arrêtez je dois vous avouer. Notre relation professionnelle n'a pas commence depuis quelques jours, mais je connais M. Coderre depuis plusieurs années. Alors, c'est une personne que j'apprécie, que je connais. Alors, nos relations, nous, sont absolument pas compliquées. J'ai un volet un peu, je dirais, terrain opérationnel comme M. Coderre. Donc, on essaie d'aller aux vraies choses le plus rapidement possible, toujours dans le respect des lois. Ah! Et déjà, on a. D'ailleurs, lorsqu'il l'a su, personne ne va être surpris. Il a tweeté qu'il était content. Alors, on va travailler ensemble. On s'est encore parlé ce matin. On va travailler ensemble très rapidement. Ah, mon Dieu, ça va bien. Et je pense que c'est une occasion assez particulière de voir qu'au niveau municipal, qu'au niveau provincial, les liens sont naturels. Et si on regarde un peu plus loin, avec Ottawa, la même chose. Donc, les gens qui marchent dans le même sens, ça va pas mal mieux, je pense, que ce qu'on travaille sur des projets importants. Pendant 18 mois, on a eu une peur référendaire qui nous a vraiment... Oui, vous êtes blanc. Mais là, vous êtes soulagé. Là. Ah là. Ça j'attends va bien. Encore un peu, mais je vais enlever mon plywood dans mes fenêtres. Quatre ans et demi, vous pouvez vous calmer. Non. Moi, j'ai sorti les chaises sur le balcon. Ah ouais? Je me berce. Je ne pouvais plus faire ça. Hein. Ben non. Ça a été 18 mois d'enfer. Ben non. Ah, mon Dieu. Mais là, attendez, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand on a eu l'annonce des ministres, on voyait qu'il y avait beaucoup de ministres qui ont été nommés parce que c'était des amis de M. Couillard, ceux qui ont supporté, qui ont supporté M. Couillard lors de la course à la chefferie. Pourtant, vous avez donné votre appui à Pierre Moreau, le monsieur avec le nœud papillon. Et oui, oui. C'est quand même... il y a un beau nœud papillon. Oui, c'est le seul, d'ailleurs. Ça me va pas, moi. Non. Ça va pas beaucoup de monde. Je salue. Puis encore. Non, mais comment ça se fait que vous avez un si gros ministère alors que vous n'avez pas appuyé le bon gars? Bien, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a d'autres gens qui n'étaient pas... Vous savez, c'est comme une équipe de hockey. On cherchait un capitaine. Les gens se sont ralliés derrière celui qu'ils croyaient qui était pour être le chef. Et une fois que ça s'est fait, là, quand le capitaine a été élu, bien, on est des libéraux, hein, rappelons-nous. Alors, on joint l'équipe. C'est-à-dire que les libéraux, pour moi, définition de liberté, aussi capacité de discuter des choses, d'être parfois en désaccord. Mais lorsqu'on se retrouve, on travaille ensemble. Alors, dès que ça a été terminé, M. Couillard a dit à tout le monde, bien, merci, c'est terminé et on va de l'avant maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui n'avaient pas appuyé M. Couillard qui se retrouvent dans des ministères. Il y a des gens qui ont des postes importants également. Donc, moi, je pense qu'il a fait preuve, en fait, d'une évaluation. Vous saviez qu'il y avait le ratio des régions, le ratio des hommes-femmes. Alors, justement, ratio hommes-femmes, parlons-en. 31% dans le Conseil des ministres, c'est un ratio qui est beaucoup plus bas que ce que M. Couillard avait promis. Est-ce que c'est parce que les femmes sont pas assez bonnes? Et ça se peut, hein? Ça se peut. Nous, à l'émission, on est combien de femmes à l'émission, là? Pas beaucoup. Ah! Il n'y en a pas. Mais l'émission, pourtant, fonctionne très bien. Ben, moi, de me tromper, il y en a une qui gère ça complètement dans le coin. Oui, non. Peut-être que ça en prend moins. Ah, ben, c'est pour faire le même travail, alors. voyez-vous. Alors, écoutez, non, mais il y avait une spécificité des régions. Alors, dans la région de Jean Damour, ben, c'était pas une femme qui a été élue, c'est Jean Damour. Alors, donc, on peut pas faire autrement. Dépendamment des comtés, donc, on est 70. Ça n'a pas été facile, M. Couillard, il l'a dit. Ça a été probablement le moment le plus difficile pour lui. Il a voulu allier, évidemment, l'expérience, donc, des politiciens d'une plus grande expérience, l'expertise de certaines autres personnes ensemble. C'est assez hétéroclite. J'étais au premier conseil des ministres et c'est une sacrée bonne nouvelle parce que si on était tous pareils, je veux dire, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on a les mêmes perceptions, les mêmes réalités, les mêmes intentions. Alors, tous ensemble, bien, on travaille et là, bien, on donne les idées et on s'en va où est-ce qu'on s'en va. Mais là, attendez un peu. Ben là, c'est une belle gang, donc, si vous voulez dire. Mais 26, c'est une grosse gang. Bien, 70 députés élus, c'est aussi une grosse gang. Oui, je suis d'accord, mais c'est le plus gros conseil des ministres depuis longtemps. De combien? Je ne vais pas te mercher. Ben, c'est ça. Mais c'est pas... un, deux... Non, mais attendez un peu quand même. Ben... Je veux dire, c'est pas rien. Là. M. Charest avait un plus petit conseil des ministres. Mme Marois avait un je veux dire, on a donné une feuille là, qui recensait les ministres là, du gouvernement Marois. Il y en a à peine 24. Vous avez vu ce que ça a donné? Oui, ben. Alors. Oh. Ça, là, c'est pas correct. Hein? Oui, ben non. Ça, c'est bon juste pour vous, ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas pour l'invité, hein? Mais alors, je comprends que c'est de l'humour. C'est... Vous savez bien que je pense pas ça. Je voulais le napperon. Ah, ben. C'est un beau napperon plastifié du Conseil des ministres, du premier Conseil des ministres de Mme Marois. Oui. Ça, c'est un vestige, ça. Oui. On verra plus jamais ça. Les libéraux, ça rentre sur une nappe, hein, maintenant, à 26. Mais toujours est-il qu'il y en a 26. Et oui. On se demandait, bon, 70 députés libéraux sur 125 comtés. Oui. On a quand même cherché, c'était qui avait été élu dans le comté 127. Et on n'a pas trouvé, là, je me suis dit, mon Dieu. Je pense que des gens cherchent encore où est le comté 127 et on va laisser les gens faire leur travail. Vous savez de qui on parle. Oui. Et je pense que, vous savez, c'est drôle parce qu'on ne veut pas rester collé sur une même phrase. Puis au premier jour de ma première campagne, vous l'avez souligné, je pense même que c'était ici que je l'avais dit. Probablement. Sans égard au poste, à la fonction, au travail que vous faites, les gens qui ont décidé de tourner les coins ronds, qui plus est encore auraient commis des actes criminels, doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Et je pense que c'est assez clair au Québec, ce qu'on a vu, ce que la commission nous... Vous savez, la commission nous éclaire, mais personne en prison. L'UPAC fait ça. L'unité permanente anticorruption, c'est 30 millions par année. C'est nous qui l'avons créé. Oui, c'est 300 personnes. Non, mais on n'en parle pas beaucoup. Il y a des gens, pas longtemps, vraiment, n'en parlait pas tellement. On parlait plus de la commission. Mais la commission, vous savez, nous donne... D'ailleurs, je vais citer M. Duchesneau, mon ami de toujours. Il a dit, vous savez, il y a des gens qui viennent à la commission pour vider leur sac, d'autres pour remplir le nôtre. Alors, alors, on entend des choses qui sont sidérantes, disons-le. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que l'unité permanente anticorruption ne termine pas au mois de mai, hein, comme la commission. N'a pas besoin de soumettre un rapport demain matin sur ce qu'ils font, ils sont là permanents. Alors, pour moi, les gens qui s'approchent de la collision, de la corruption, les gens qui décident de faire de la criminalité, bien, pour moi, c'est comme de la mauvaise herbe, tes arraches, ça pousse. Cependant, l'UPAC est là à temps plein, alors la mauvaise herbe va décoller. Ah oui, puis là, vous allez faire le ménage dans le ministère des Transports. Ben, écoutez, moi, je vais vous dire... Non, mais ça serait bête que non, là. Je suis allé cette semaine, ça me paraissait assez propre. Ah oui? Oui, alors, ce que je vous dis, c'est que ce qu'il y a de plate, c'est que souvent, la culpabilité par association, c'est un peu désagréable dans le sens que vous avez une personne. Vous en avez deux, là. Et là, tout d'un coup, bien, les gens vont tous les juger. Et ça, c'est un peu malheureux parce que les gens du ministère des Transports font un bon travail. Les gens sont honnêtes, sont intègres. Là, il y en a un. Vous savez, regardez, là. Je vais donner l'exemple parallèle de la police. Alors, vous savez ce qui s'est passé avec M. Roberge. Est-ce que tous les policiers sont mauvais? La réponse, c'est non. La bonne nouvelle, c'est qu'on le sache aujourd'hui, qu'on sache qui faisait ça et qu'on les élimine du système. C'est ça qu'il faut faire. Ah, oh, que c'est intéressant, ça. C'est bon, hein? Mais ça va être un bon 4 ans, ça. Mais là, Et demi. 4, oui, 4 ans et demi. Oui, c'est 4 juste ans et demi. Pour les chiffres. Vous allez revenir souvent, hein? Parce que... Ben, là... Non, mais je veux dire, en même temps, vous êtes responsable de Montréal. Et là, je vois que les relations avec Denis Coderre vont très bien. On le savait que Denis, il attendait avec impatience le nom du ministre de la Métropole pour pouvoir y envoyer des bêtises. C'est ce qu'il a dit, hein? Mais c'est pas ce qu'il a écrit sur Twitter, en tout cas. Non, ben, je... il était bien content que ce soit vous. Toujours est-il qu'il est capable de lancer des bêtises quand il faut, Denis. Ah, il peut, ah, bien sûr, mais moi aussi. En fait, c'est pas un concours, ça. Mais je pense que, vous savez, quand les gens s'entendent, je le disais tantôt, il faut vraiment leur dire. Il y a une époque où j'ai pas eu cette impression où la politique municipale voulait vraiment parler avec les politiciens du Québec. Et c'est l'argent de tous les contribuables. Montréal est le moteur économique du Québec. OK, mais est-ce que vous allez vous en occuper de Montréal comme il faut? Parce qu'il me semble que Montréal a été un peu laissé de côté. Là. Oui, je sais bien, mais je suis Montréalais de toujours. Mon père a eu un restaurant pendant 20 ans à Montréal. J'ai quitté pendant quelques années à Montréal et dès que j'ai été élu, et ça, c'est une décision personnelle, c'est pas une règle, puis ça doit pas être fait comme ça. Non, je pense pas que M. Barrette reste... Mais quand soyez gentil un peu. J'ai rien dit de mal. Soyez gentil, mais ça, je l'entendais dans votre tête. Alors... Et est-ce que moi, j'ai fait, j'ai déménagé à La Salle. La Salle, c'est l'arrondissement de La Salle, donc je demeure à La Salle, en bordure d'une piste cyclable fabuleuse. Si vous avez jamais été, je vous le dis, c'est vraiment très beau. Vous êtes en ville, c'est magnifique. Alors, moi, je reste à La Salle, j'ai vécu ça, donc à partir de là, Montréal, je le connais bien, et je suis heureux d'avoir cette partie-là. Le ministère des Transports, écoutez, c'est un gros ministère, c'est vrai, les défis sont là, puis des bonnes nouvelles, il n'y en a pas à tous les jours. Non, mais on va faire pour aider que les gens... un peu, que ça soit plus facile, les accès. Il faut réparer, on n'a pas le choix, vous le savez. En même temps, c'est-tu le fun de savoir que Mercier va être fermé ou que Champlain va être fermé à telle heure, puis de ne pas se retrouver le museau là puis être pris 20, 25, 30, 40 minutes juste pour contourner parce qu'on ne le savait pas. Alors, il y a sûrement des façons. Je sais qu'on informe beaucoup, mais je pense qu'on doit informer davantage les citoyens. On a besoin de collaboration, mais il faut les reconstruire. Premier dossier. Oui. Du ministère des Transports, du nouveau ministre des Transports, ça va être quoi? Bien, écoutez, dans un premier temps, c'est sûr et certain que les infrastructures sur l'île de Montréal, c'est une priorité. Bien, laquelle? On n'a pas le choix. Parlons de ceux qu'on n'a pas besoin de réparer. Il y a beaucoup de gens qui lèvent les mains, là. Oui, bien, c'est ça. Parlons de... Ça va aller, ça va celles aller qui vont vite. Bien, là. Oui. Bien, écoutez, regardez, ça a été construit à peu près au même moment. Hein. Vous savez, la fameuse Expo 67, on était bien contents. Ah, boy, et oui. Puis, qu'on était fiers. Hein. D'ailleurs, ceux qui m'agacent en disant « je ne prends jamais le métro », là, qui sait combien coûtait un passage de métro en 1967? 10 sous, monsieur. Alors, hein? C'était 10 sous à l'ouverture. Mais vous êtes le seul qui était là aussi ben à oui, cette époque-là. Je comprends. Faut dire oui, les vraies affaires. Ben vous là. Devez avoir des personnes plus âgées qui écoutent l'émission. Oui, mais ils peuvent pas répondre. Ben non, mais c'est ce qu'ils sont. D'ailleurs, je vous le dirai pas très fort, mais, non, mais lundi, vous allez avoir le dévoilement de la première, le nouveau wagon fini, terminé, va être diffusé lundi. Je pense que je devais pas vous le dire, mais vu qu'on est en famille. Ça n'a pas été long? C'est... Après une semaine de pouvoir, déjà, le métro... Ouais. Mais c'est ça. Wow. Ça, ce que vous pouvez faire. Hein? J'ai dit qu'il n'y avait pas souvent de bonnes nouvelles. En voici une. La vérité, c'est que j'ai rien à faire là-dedans, mais je vais féliciter ceux qui l'ont fait avant. Parce que, non, mais on fait des blagues parce qu'il faut qu'il y ait une continuité dans les gouvernements. Ben oui. Vous savez, avec M. Bergeron, à l'époque, j'étais porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Je me suis placé debout à côté de lui pour le rapatriement du registre des armes à feu. Je l'ai aidé avec M. Duchesneau dans le projet de loi pour le Bureau des enquêtes indépendantes. Quand il y a des bonnes choses qui sont faites par les politiciens, mais continuons ensemble. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Alors, c'est sûr que pour la séparation, on était moins là. Là mais, on me garde ça. C'est... De toute façon, comme on vous a dit, depuis qu'il n'y a plus de menace référendaire, tout le monde va mieux. Ah oui. Et je parlais encore pendant des heures et des heures, mais vous allez revenir de toute façon? Ben, j'aimerais ça. Bon, mais vous allez revenir. J'ai pas beaucoup de temps pour rire hein, dans mon travail. Donc, alors ici, ça me permet de pouvoir le faire. Un épaule, c'est point drôle. Je refuse pas vos invitations. Ben, parfait. Ben, vous allez revenir. Ben, de toute façon, vous restez un peu avec nous parce qu'on va recevoir Valérie Blais tout à l'heure. Mais je vous ai pas offert de bière. J'imagine que le ministre du Transport, c'est ça, à l'eau. Oui, c'est à l'eau, c'est ça. D'ailleurs, on pourrait parler de la stratégie maritime, si vous voulez parler de ça. Ah, bien, on en reparlera plus tard, hein, parce que okay, franchement, on a quand même nos auditeurs aussi à cœur, et on veut pas... Ça devrait pas non plus... Faut pas exagérer. C'est notre bloc, là. Non, c'est ça. Ah, okay, c'est bon. Hey, évidemment, un nouveau conseil des ministres a sûrement inspiré quelques réflexions à notre ami Jean-Étienne Heude. Alors, allons donc écouter un peu de Radiovision. Vous écoutez le Catostrat à M. Jean-Étienne Heude au microphone. J'envoie toutes mes pensées à Gladys qui n'est pas avec nous aujourd'hui, clouée au lit par le virus de la grippe. Les virus qui, eux, ne font pas de discrimination. Ils frappent tout le monde. Animons la mort par un irrimède, Gladys. Seule la mort n'a pas de remède. Tu vas t'en remettre bientôt avec un bon bouillon de poulet boucanier. On guérit de tout. On guérit de tout, certes, mais pas de l'absence de noir au nouveau conseil des ministres du Parti libéral. Honte, honte à vous, Philippe Couillard. Vous avez cru bon ne pas mettre de représentants de notre dynamique communauté à des postes clés. Vous avez même demandé à Yolande James de rester chez elle dans Néligan pour la remplacer par Marté Coiteux, un homme ennuyant et en plus de surcroît caucasien. Nous avions Makakoto à la culture. Nous avons maintenant Hélène David, la sœur de Françoise David de Québec solidaire, un autre parti qui pratique la ségrégation, puisque sous 3 députés, aucun n'a pour origine le pays de nos ancêtres esclaves comme Kunta Kinte, qui s'il revenait boitillant, éprouverait de la tristesse de voir son combat rester lettre morte. Avec tous les chauffeurs de taxi de notre communauté, qui vivotent dans des oreilles ingrats, au péril de leur vie, cela aurait constitué un baume que d'avoir un ministre des Transports noir. Mais non, nous devrons nous contenter de M. Robert Poetti, un homme que je respecte au plus haut point, même si ses origines italiennes ont visiblement eu les faveurs des libéraux. Apparemment, nous nous sommes trompés d'île pour naître, mes chers amis, compatriotes. Nous aurions dû choisir la Sicile au lieu de la perle des Antilles. Oh là là! Eh bien, c'est avec bonheur qu'on va y retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, toujours ici pour tenter de démêler l'histoire Joël Legendre dans le cadre de ce que j'appellerais mon spécial fécondé autrement. Jean-Philippe, oui? J'ai avec moi donc Maître Roy. Maître Roy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Maître Roy, évidemment, vous allez me comprendre, on va parler de Joël Legendre ici, mais pour des raisons évidentes et pour protéger les enfants qui sont impliqués, on va changer son nom ici. Alors, je vais l'appeler un nom au hasard, disons Guy la Liberté. Alors, Alors, cette semaine, Maître Guy a annoncé qu'il allait avoir des jumelles avec son copain par le truchement de la fécondation in vitro et d'une mère porteuse. Et là, tout le monde s'est emballé dans la sphère publique parce qu'ils se sont fait rembourser les frais inhérents par le gouvernement. Or, si ce programme-là existait déjà, pourquoi tout le monde capote? Est-ce que c'est parce que le programme devrait s'adresser surtout aux femmes seules et en couple? Ou c'est juste parce que le Québec veut surtout pas que Joël Legendre s'en produise? Ben, en réalité, je pense que vous avez raison. Hein. C'est l'élément procréation assistée par l'intermédiaire d'une mère porteuse qui a semblé problématique. Je pense pas que ce soit l'élément couple gay. Et justement, c'est un dossier quand même assez délicat, les mères porteuses. Hein. C'est pas couvert par une loi ici. Donc, dans le cas de Guy, ni les papas, ni la mère porteuse sont protégés. Genre, à l'accouchement, la mère pourrait dire « je garde l'enfant ». Est-ce que c'est une réalité qui existe souvent, ça? En même temps, évidemment, faut pas s'inquiéter. Je veux dire, moi, si j'accouchais de l'enfant de Joël Legendre, c'est sûr que je voudrais pas le garder. Oui, le contrat de mère porteuse, il est réputé inexistant en droit québécois. Ça veut dire qu'il n'est pas susceptible d'exécution. Mais vous êtes bien fin, Maître Roy. On va poursuivre l'entretien un petit peu plus tard. En attendant, on va arrêter de parler de ces perversions-là. Et on va aller retrouver un homme, un vrai, un homme qui n'a pas peur de se tremper le petit pinceau dans des jolies demoiselles, Fred Savard. Vous écoutez La Soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui aimerait être en procès et devenir ministre en même temps pour plus être en procès, comme Gaétan Morin. Alors, permettez-moi d'abord de féliciter le nouveau gouvernement libéral, oui, de ne pas avoir perdu de temps pour identifier ce qui va mal au Québec. M. Couillard a su rapidement identifier en un seul avant-midi comment 18 mois de gouvernance péquiste ont été désastreux pour le Québec. 18 mois d'un gouvernement férocement socialiste et de gauche, comme le Parti québécois. Ce sont des torts presque irréparables faits à notre économie. 18 mois d'Armageddon, 18 mois de menaces référendaires, 18 mois d'angoisse fiscale pour nos mieux nantis qui, sous le joug péquiste, ne prenaient même plus de deuxième portion de salade de homard dans les restaurants de la rue Bernard, paralysés par le stalinisme de Pauline Marois. Heureusement, M. Couillard et ses sbires vont remettre le Québec sur la bonne voie. Des choix difficiles devront être faits. M. Couillard nous le répète inlassablement depuis qu'il est officiellement premier ministre, c'est-à-dire depuis 2 jours. Mais heureusement, il est bien entouré, M. Couillard, notamment par un ancien banquier qui a fini deuxième, paraît-il, dans un concours de banquier mondial. Et les banquiers mondiaux, ils connaissent ça, l'économie. Et ce n'est certainement pas pour ça que ça ne va pas mieux dans le monde. Il va sans dire qu'en cette période d'austérité qui s'amorce et qui pourrait ne jamais finir, nous aurons besoin de rire. Et c'est pourquoi j'aimerais dire merci à Valérie Blais de courageusement se lancer dans cette âpre confrérie que forment les humoristes. J'en sais quelque chose, aucun ne m'adresse la parole depuis des années. Et n'oublions jamais que l'arrivée d'une femme humoriste, c'est toujours un vent de fraîcheur dans ce monde d'hommes. Pensons juste à Cathy Gauthier qui fut, avant son décès, tout un vent de fraîcheur tellement différent de l'humour vulgaire et grivois que pratiquent les hommes. Et en tant qu'humoriste d'exception, je crois être en mesure de prédire que Mme Valérie Blais pourra, dû à ses immenses talents de comédienne, nous offrir autre chose que ce que nos piètres humoristes, outre moi, nous offrent depuis trop longtemps. J'espère que Mme Blais suivra un peu le même cheminement que le mien, d'ailleurs, un cheminement qui m'a permis de gagner un prix Gémeaux. On ne le dit jamais assez. Un prix peu gagné par la majorité des humoristes. Oui, je sais, vous me direz que les humoristes ont leur propre gala, celui des Oliviers. Où je suis en nomination pour une troisième fois, qui sait? Je vais peut-être le gagner, ce dernier prix, le 11 mai prochain, bien que je ne sache toujours pas si je daignerai m'y présenter, car c'est aussi la fête des mères, ce dimanche-là. Et moi, les mères, particulièrement celles de 30 ans célibataires, j'aime bien les célébrer dans l'intimité de mon foyer, sur une peau d'ours. J'espère donc, Valérie Blais, que vous saurez rester vous-même et ne tenterez pas de devenir la nouvelle Yvon Deschamps, par exemple. Guy Nantel s'y est essayé et franchement, on ne changerait pas de place avec lui. Et sans vouloir me mettre trop en évidence, j'aimerais quand même dire qu'avec beaucoup d'à-propos que je suis une magnifique preuve vivante qu'en restant soi-même, on peut avoir une carrière que tous envient. C'est pourquoi je n'ai pas changé d'un iota depuis que je suis haut comme ça, ce qui veut dire que j'étais déjà méprisant et condescendant à la maternelle quand je regardais de haut mes petits compagnons qui roulaient en big wheel. Et regardez aujourd'hui, je suis toujours aussi méprisant et mes compagnons ont maintenant des tatous sur les deux bras et ont troqué leur big wheel pour des Hummers. Vraiment, Madame Blais, j'attends avec beaucoup d'impatience votre arrivée dans le monde de l'humour pour qu'enfin une humoriste québécoise me fasse rire. La dernière était Clémence Desrochers et ma Clémence commence à être pas mal à bout. On va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, bon, Jean-Philippe. Je suis toujours avec Maître Alain Roy. On discute évidemment de l'affaire Joël Legendre, qui, ici, exceptionnellement, va nommer l'affaire Guy la Liberté, pour protéger évidemment l'animateur de Alain Rongeant, Paquet Voleur et Inimini Machimo. Alors, Maître Roy, évidemment, le débat, aussi le débat sur l'homoparentalité. Vous êtes un spécialiste du droit de la famille. Vous pensez pensez quoi de ça, vous, les gays qui adoptent des enfants ou qui ont des enfants par procréation assistée? En même temps, je sais qu'il y a bien des gens là, qui capotaient sur semaine sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, dans le cas de Guy, je pense qu'on peut prendre ça relax. Ce sont des jumelles qui vont y avoir, donc pas de danger d'abus ici. Là. Je pense qu'en 2014, la société accepte de façon tout à fait ouverte les abus. Le fait que des enfants puissent être élevés par des figures parentales de même sexe. Uh-huh. Je pense que l'élément qui compte pour un enfant, c'est d'être aimé, là, qu'il soit aimé par deux mères, qu'il soit aimé par deux pères. En même temps, un homme, une femme qui élève un enfant, vous trouvez pas ça inspirant? Je regardais les belles familles en fin de semaine au Cocoton. Je me disais, c'est pas ça, les belles familles. Ouais, je pense qu'il y a des couples hétérosexuels qui peuvent faire d'excellents parents. Je pense qu'il y a des couples homosexuels qui peuvent aussi faire d'excellents parents. Merci infiniment, maître Roy. Bon, évidemment, le public aussi a envie de vous poser des questions. Ben. Si vous avez des questions pour maître Roy sur Joël Legendre ou la petite quantité en général, vous pouvez nous écrire à lasoirée@radio-canada.ca et on vous revient dans quelques minutes, ben, je vous remercie beaucoup, mon Dieu. Mais c'est encore la faute du PQ, ça. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Vous savez, c'est Régent. Ben, non, mais je l'ai pas dit. Non, mais vous pensez fort. Je l'ai pas dit. Je suis capable, vous pensiez très fort. Fred, notre deuxième invité. On l'a connue d'abord comme comédienne, mais on la découvrira sous peu comme humoriste. Accueillons Madame Valérie Blais! Non, OK. Ben, moi, je voulais animer. C'est parce que tu me montrais ton banc. Non, mais j'étais assez large dans la présentation. Je te dis. Ah, Valérie Blais, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez M. Poitier? Ben, on s'est rencontrés. Oui, on a voyagé ensemble sur les chaises. Sur les chaises d'avion là-bas. Ah, mon Dieu, oui, on est bien dans notre studio. Formidable. Ben, c'est Radio-Canada. Détendu, relax. Non, mais c'est comme ça. En bois. Voulez-vous une bière? Non. Ah! Ben moi, je vais m'en prendre une parce que vraiment, je taboute de Jean-Sébastien et ça prend une petite bière pour faire passer ça. Madame Blais. Oui? Vous devenez humoriste. Qu'est-ce que c'est donc? Ça marchait moins bien, la comédie? Ça marchait pas moins bien, ça marchait pareil. Ah ouais? Puis, ça fait longtemps hein, que je planifie cette affaire-là. Ben je le sais. Nous, on a travaillé ensemble il y a presque 2 ans, puis vous étiez en train de préparer votre one-woman show. Là, ça et fait deux ans avant, en fait, ça fait 4 ans. C'est long à écrire une joke, hein? C'est long. C'est pour ça que j'achète. C'est ça? Non, mais c'est parce que j'ai eu le détail. Ça s'appelle Romy. Elle pèse 32 livres et elle a 2 ans. Ah, un enfant. C'était ça, le... C'est pas si pire que ça. Non, je sais, mais... Voyons donc. Ça s'est déjà fait, là, travailler en ayant dans un. Ouais, t'as fait ça, tu... Non, en tout cas, mais bref, moi, ça a été plus long que les autres. Ah, OK. Donc, Mais comment ça va, la préparation? Parce que je sais que c'est de la job. On rencontre souvent des humoristes qui nous disent « Oui, ben là, on est en rodage, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, puis notre avant-première, on fait notre rodage pendant l'été, puis après ça, notre première va être dans 1 an. » C'est donc bien compliqué. C'est pas compliqué, c'est différent. C'est-à-dire? Moi, je suis un peu un fredon au pays des humoristes. Hein. Je connais pas ça. Je suis comédienne, moi. Oui. Mais ce que je comprends, là, en ce moment, oui. C'est que le rodage, ça fait office de répétition. Au théâtre, tu vas répéter 150 heures, caché. Caché, hein? Oui. Devant dans personne. Un local fermé. Après, tu vas entrer en salle, puis tu vas présenter ce que tu as travaillé pendant 150 heures. Pas payé. Oh, maintenant payé! Ah, OK, pardon. Parce que vous l'avez négocié. Oui. Bien sûr. Ah, okay. J'ai travaillé là-dessus. Ah, okay. Et c'est pour ça que je suis humoriste. Oh! Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas grave. Hey, c'est le fun de faire du bicycle. OK. Mais bon. Mais non. Donc, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? Tu me déstabilises. Non, je parlais de. Ça se passe-tu bien? C'est ça que je voulais savoir. Oui, en gros, oui. OK, good. Ça se passe super bien. Là, je sais qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une première. À laquelle vous ne vouliez pas que personne assiste, en soi, personne des médias, hein, parce que vous ne vouliez pas que personne en parle. Et Nathalie Petrovski, la maudite, s'est glissée dans le public pour venir voir quand même votre show, même si vous y aviez dit non. Oui. Ça, c'est bien la Petrovski, ça. Oui. Mais j'ai pardonné. Ben, c'est sûr, elle aimait ça, finalement. C'est ça. C'est ça, hein. Plus facile dans ce temps-là, hein. C'est ça. C'est. Mais c'est pourquoi ça. Vous vouliez que personne vienne? Parce que moi, j'avais jamais fait ça de rodage. Faut comprendre ça, là. J'en ai fait pour un numéro une fois, mais ça fait 2 ans. Puis... Fait que c'est faire des jokes pour la première fois devant du monde. Oui. Et puis, ce que j'ai compris dans les soirées d'humour, c'est que t'es avec d'autres humoristes, puis le pacing est très important. Alors, si le gars avant toi parle de ses hémorroïdes, oui. Toi, t'arrives avec un numéro où tu veux parler du don de soi. Ah! Ah, ben les hémorroïdes, c'est ça récompense un don de soi. Hein? Ça va pas bien. Ah, OK. C'est tu comprends? De classe, c'est ça? Ah, non. Non, je nommerai personne. Mais donc, ça, ouais. Ça, j'ai bien compris ça. Alors, à partir du moment où j'ai commencé à roder des heures, une heure. Mais là, les gens, ils viennent te voir, toi. Donc, ils sont contents d'être là, te voir. Ils sont contents. Puis, ils viennent entendre ce que toi, t'as à dire. Ce qui est très différent d'une soirée d'humour où il faut que tu te mélanges... avec, est-ce que c'est un peu comme ça à l'Assemblée nationale? Non, mais je veux dire, vous avez commencé il y a 18 mois aussi, c'est vous. C'est ça, je suis assez nouveau, hein, donnez-moi un peu de temps. Il est en rodage. Mais étonnamment, je suis obligé de vous dire que la période de questions ne représente pas très bien le travail qu'on fait là. mais là, on a des promesses de tout le monde. J'ai hâte de voir. Là, M. Cuillard a fait appel à. Paraît que ça va être mieux, là. Ça va être moins injurieux. Tu sais, que ça soit un peu moins drôle, des fois. Hein. Oui. Et je pense qu'on a entendu qu'ils essaieraient, donc essayons tous. Oui, mais c'est pas Stéphane Bédard qui va être qui s'en va là comme chef du PQ intérimaire? Stéphane qui? Bédard, ah, le oui, petit Bédard. Bien sûr. Oui, il va être là. Non, écoutez, j'ai beaucoup de respect, M. Bédard. Quand on commence une phrase comme ça, là, non, normalement, c'est... c'est un parlementaire aguerri. Ouais. Vraiment, il est à la droite de Mme Marois. Il est très solide, M. Bédard. C'est un peu comme Dieu le Père. Je peux vous dire ça. On revient à Valérie, parce que je lisais l'article de Nathalie Petrovski, je trouve ça assez intéressant. Elle vous comparait à, en fait, la liste d'io des Lise Dion, c'est ça qu'elle écrit. Je le sais, c'est ça qu'elle écrit, mais c'est pas ça. Pourquoi? Premièrement, Lise Dion, elle a son monde, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Oui. J'y vais pas à cheville pour faire la même... Mais pas grande, par exemple. Non, elle sait. Elle sait, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est pas le même univers. Okay, mais... À part qu'on ait deux totounes qui font de l'humour, deux filles, il y a pas vraiment de point commun. Non, mais c'est vrai, on n'a pas le même univers. Mais des jokes de gros, là. Quoi? C'est laquelle votre meilleure? Je me suis mis à diète. Ouais. Quoi que l'autre fois, je revais une tarte au sucre, pas de sucre. Ouais. Je peux-tu savoir le nom? Ouais. Ça s'appelle une croûte. je mange du poulet, c'est l'aliment numéro un de toutes les diètes. Ouais. Bon, évidemment, on le présente toujours bouilli, ouais, ouais. Pas de peau, mais moi, la peau, je la mange pas. Non? Non, je la sens, je la lisse, je la mange, je la recrache. C'est votre gomme, en fait. Et puis, tu sais, moi, je suis tannée d'entendre une grosse me dire « Toi et moi, on est pareil, hein? Ouais. On n'est pas nés à la bonne époque. » Parce qu'à l'époque de Rembrandt ou de Renoir, la toutoune, elle est à la mode. Ouais, ouais, ouais. Il me semble que t'aurais aimé ça, fille, elle vive à cette époque-là. Ouais. Hein? T'aurais été mère de 8 enfants à l'âge de 15 ans. Avec pas de dents dans la bouche. Ouais. En train de manger un veau pour te faire des souliers. Personnellement, j'aime mieux être toutoune à l'époque de Lady Gaga et avoir le droit de vote. Et en passant, mesdames, on en profite avant que Stephen Harper nous l'enlève. Ah. Là, attendez un peu, là. Ça, c'est injuste, un. Parce qu'il est pas là pour se défendre. Et... Oh. C'est vrai, il est pas là pour se défendre. Et de toute façon, si je me trompe pas, M. Poitiers, vous allez avoir des bonnes discussions avec lui pour le pont Champlain. Ouais, alors ne ruinons rien. D'accord, je m'excuse. Une chance, hein. Hey, on voudrait avoir un pont, là. Puis est-ce que ça veut dire que Valérie Blais fera plus d'autres choses? Qu'elle fera plus de films? Non, je tourne un film en ce moment. Voyons donc, bien sûr! Pas avec Léa Poule, toujours? Ben oui! Bon, ça donne bien. Mais parlez-nous un peu de ça, là. Parce que je sais que le tournage se passe en ce moment, je me trompe. C'est extraordinaire. C'est vraiment le fun. C'est quoi? Alors, c'est un film qui se passe en 1967. Ah, une belle époque pour les femmes aussi. Dissous le métro. 67. Hey, à l'époque, les religieuses perdent leur pouvoir, en fait. Puis on passe un peu à un mode laïque. Ah, donc, mais c'est le point de vue des religieuses. C'est le point de vue des religieuses dont je crois qu'on n'avait pas tellement envie d'entendre parler jusqu'à maintenant. Et là, on entend parler de ça. Oui, puis c'est un film sur la musique aussi. La trame de fond, c'est un collège de musique qui va se perdre. Il va y avoir une polyvalente qui va s'ouvrir pas loin, puis le collège va mourir. Est-ce que vous jouez une sœur? Je joue une sœur. Arrêtez donc. Sœur Claude. Prof de mathématiques et qui s'occupe des finances du couvent. Fait que ça vous change un peu de vos numéros de mou? C'est très le fun à faire. Puis c'est un privilège de faire du cinéma. Je capote, puis chaque plan est un tableau. On est dans des tableaux de Jean-Paul Lemieux. C'est beau, là. Ça va être... je suis bien en amour avec ce projet. Vous restez avec nous? Bien sûr. Bon, voulez-vous une bouteille d'eau? Bon, donne-moi une bière. Ah, une bière, parle-moi de ça. Ça, on aime ça. Une petite rousse. Ah, t'en remercie. Hein? Hey, sans gluten. Fred, notre prochain chroniqueur. Plus l'écoute de la radio Jambon, moins il est pincé. Malheureusement, le contraire n'est pas toujours vrai. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Ouais! Ben, commençons avec le sujet qui était sur toutes les lèvres en début de semaine, le scandale du cocoton de Laval. Et selon André Arthur, ce dérapage est typique des madames qui piquent la bouffe pour la mettre dans leur sacoche. C'est ça la nature humaine, OK? Et by the way, c'est rien que des femmes que je vois faire ça. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a juste les autres qui ont des sacoches. Probablement, c'est ça. Mais il était à bout de temps, il y a des hommes qui avaient des sacoches, puis on s'est aperçu que c'était une bonne façon de déceler les tapettes, ça fait que les gars ont arrêté d'en parler. C'est ce qu'on appelle mettre tous ses préjugés dans le même panier de coco. Merci, André Arthur, de me faire vivre les années 60 comme si j'y étais. De retour en 2014, Sylvain Bouchard de Cogeco a mis le doigt sur un grand complot autour des coupures à l'émission Enquête. Voyez-vous, il s'agirait d'un plan machiavélique pour nous faire voter NPD. On veut qu'Harper crache le même montant pour notre gang, notre syndicat, nos cadres, notre tour, pour qu'on soit la même gang, OK? Puis en plus, on veut qu'Harper crisse son camp pour que ça soit notre chum du NPD. Bon, ça, c'est notre mandat. Mais voulez-vous que je coupe dans vous autres, mes amis cadres? Voulez-vous que je coupe dans les voyages? Voulez-vous que je coupe dans les gros salaires? Si je coupe là-dedans, qui va s'en rendre compte dans la population? Personne. Bon, qu'est-ce qu'on veut que la population réagisse qui blâme Harper? Alors, on va couper dans la caisse. Bon, ben, je pense qu'ils surestiment un petit peu nos patrons. Après tout, c'est eux qui ont laissé Cap sur l'été en onde. Hein? À moins que ça aussi, ça soit un grand complot pour qu'on passe l'été dehors plutôt que de regarder la TV. Faudrait voir. Parlons maintenant du jour de la Terre, puisque de nombreux commentateurs ont voulu faire la fête à notre planète cette semaine et se sont indignés que certaines personnes proposent de favoriser les petites maisons et freiner l'étalement urbain. On mérite mieux que ça, selon Denis Gravel et Jérôme Landry de Radio X. On mérite de prendre la place, on mérite d'avoir une belle grande maison, si c'est ça qu'on a le goût, avec une belle grande famille. Encore là, c'est ça. Ce que ça sous-entend, c'est qu'il faut arrêter de se reproduire. Oui, les écolos veulent qu'on arrête de faire des enfants parce que ça prend trop de place dans une maison. Mais c'est facile à comprendre, hein? C'est parce que les écolos, ils sont misanthropes. Sais-tu ce que ça se peut que je fasse aussi avec une plus grande famille? Ça se peut que je consomme plus. Oui, acheter plus d'épicerie, acheter plus au Costco, non, mais acheter plus au IGA. Y a-tu une police qui va venir m'arrêter, là? Ça prend. Hé, hey, Gravel, ça le fou, ça va être beau, là! Non, mais c'est du monde qui aime pas l'être humain. Ben oui, parce que c'est bien connu, hein. Ce qui définit l'être humain, c'est sa capacité d'acheter un paquet de 50 rouleaux de papier de toilette chez Costco. De toute façon, là, comme l'explique Dominique Moret, on risque de ne pas avoir besoin d'impliquer la police là-dedans, puisque l'humain, là, y a du jugement. On a donné le jugement à l'humain, alors faudrait-il qu'il s'en serve à bon escient pour respecter... Non, l'humain a une responsabilité accrue. Le pouvoir de l'humain vient avec des responsabilités. Oui, comme l'ont dit Voltaire et Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et quelqu'un, on sait pas qui, nous a donné le jugement pour dominer le monde et avoir la responsabilité de la faune et de la flore, sauf peut-être des quenouilles. C'est l'humain avant... Les quenouilles après, dans mon livre à moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, là. Ben, le jupe d'attrape, c'est ça, le fun. C'est que l'humain, c'est une quenouille, c'est la même affaire. Non. L'humain, ben oui. Non. L'humain, il est son environnement. Non. L'humain est en haut. Bon, quand on pense qu'on est au-dessus de tout, ça se peut que ce soit dur d'imaginer qu'un écosystème, c'est pas une pyramide. Mais de toute façon, là, on s'en rendra pas compte de ça quand on va tous manger des quenouilles par la racine. Reste que ce sentiment de supériorité est partagé par d'autres climato-sceptiques, comme le sismologue Reynald Duberger. C'est pas à une ville, à un organisme comme Greenpeace ou Équiterre, à me dicter ma façon de me comporter. C'est moi qui décide de ce que j'ai besoin comme confort personnel. Je suis plus important qu'un ver de terre ou qu'un éléphant, bon sang. Dans le fond, sous prétexte de vouloir établir la vérité scientifique derrière les changements climatiques, c'est surtout leur liberté de faire ce qu'ils veulent que nos amis essaient de légitimer. Tellement qu'ils en viennent qu'à utiliser des arguments de cours d'école, genre « c'est pas moi, c'est lui qui a commencé ». Je crois que l'homme fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, mais la Terre, elle, fait pas beaucoup d'efforts pour protéger l'homme. Parce que quand tu regardes le nombre de morts que les tremblements de terre, les tsunamis font à chaque année sur la surface de la Terre, je pense que la Terre fait beaucoup plus de dommages à l'homme que l'homme fait de dommages à la Terre. Oui. Si la Terre se pogne le beigne, là, pourquoi nous on se forcerait, tu sais? Comme l'a dit Spider-Man, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci Olivier. Oh là là. Chacun fait sa part, hein, quelque part. Sauf la Terre. Oui. Hey, le cocoton à Laval de dimanche dernier a fait couler beaucoup d'angles cette semaine et ça a même inspiré le fameux annonceur à la retraite de Blue Bonnet, Georges-Émile Haché. On écoute. Hello, bonsoir, ici Georges Emelachi en direct du centre de la nature de Laval. Not far from the Colossus, entre un restaurant grec puis un centre d'achat, in a town with no downtown. Bienvenue à la première édition du Cocoton. Welcome to the first ever Demolition Derby for Kids pour Pauk. Les participants sont arrivés à 5h30 du matin avec leurs parents. The parents arrive way too early, trop cheap pour acheter des chocolats eux-mêmes au Costco. Bien à côté sa clôture, tout le monde attend le départ depuis 4h en plein soleil. But there's something wrong with the starter. Il semble ne pas vouloir partir, comme l'ancien maire Vaillancourt. Et voilà le petit lièvre de Pauk est lancé. Les concurrents vont pouvoir courir après. On appelle ça le petit Jérémy qui arrête pas de broyer. The little Jeremy is a pain in the ass. On a également la petite Émilie qui a la couche pleine. The coach is full. Le petit William à la Morvoni. Everything is normal, but everyone is getting hungry for chocolate. Oh là là, monsieur Stavakounos. Le papa de la petite Alicia se fâche et se pitch par-dessus la barrière. C'est un départ et c'est un massacre. Le petit Samuel tombe dans la boîte, pétigné par le gros Kevin. Un bébé adulte de 200 livres et 200-pound elephant from Sainte-Rose. La maman de Léa se fait écraser les doigts en essayant de pogner une petite boule en chocolat. Léa's mother has no finger anymore, just a mignon. C'est la mêlée générale. It's getting nasty like Lucic on ice. Heureusement, le carnage est déjà fini. The carnage is over. Il n'y a plus d'offres à donner. Laval has laid an egg. On se donne rendez-vous dimanche le 11 mai pour la fête des mères for Mother's Day. Ça promet, on a bien hâte de voir des douchebags piétiner des grands-mères pour avoir une petite fleur gratis. On va aller rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, énormément de courriels ici sur l'affaire Guy Lesliberté. J'imagine. Et la fécondité, évidemment. Je commence avec le premier, Maître Roy. Oui. Bonjour, est-ce vrai que je peux me mettre bien riche en donnant mon jizz à des cliniques de fertilité? Mon rêve absolu, c'est de voir le plus d'humains possible me ressembler. Comment ça marche tout ça? Et c'est signé J.P. Vautier. Très bonne question. Je crois que les autres n'étaient pas bonnes, mais au moins celle-là va me permettre de rétablir un peu ma crédibilité. Les dons de sperme, le nom le porte bien, hein, doivent être faits à titre gratuit. Ah. Il faut pas vendre son sperme. Bon. Pas. Si vous vendez votre sperme, vous vous exposez à une poursuite pénale du ministère public fédéral qui peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 500 000 d'amende. Pas si pire que ça. Si dit bien, là, quand même. Et dernière question, est-ce un danger? J'ai peur, moi, que les mères porteuses deviennent instrumentalisées, qu'on instrumentalise le corps de la femme. Est-ce effectivement un danger? Je m'inquiète beaucoup, car pour moi, il n'y a personne qui ne respecte plus le corps de la femme que moi, et c'est signé F. Savard. C'est une bonne question, parce que le fondement même de la prohibition des contrats de mères porteuses, c'est pourquoi on ne les reconnaît pas, c'est parce qu'on craint ce risque d'instrumentalisation du corps des femmes. Parce que, bien sûr, comme je le disais tantôt, on ne peut pas assimiler le donneur de sperme à quelqu'un qui va vivre une grossesse pendant 9 mois. On craint le rapport de servitude humaine qui peut s'établir entre le couple commanditaire et la mère porteuse. On voit un peu comment ça se passe en Inde. Maître Roy, merci infiniment. Grâce à vous, on y voit plus clair. On a laissé tomber certains préjugés. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Jean-Philippe. Je ne sais même pas pourquoi je le remercie encore. Ben non. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire décortique pour nous le nouveau Conseil des ministres. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. On est content. On est content de vous voir, Jean-Philippe. Parlez-nous du Conseil des ministres, là. Oui, oui. Bon, cérémonie d'assermentation, quand même, oui. Assez distrayante. Hein? Moi, chaque fois que des gens jurent sous serment avec honnêteté et justice, ça vient me chercher. T'sais. C'est comme la commission Charbonneau, mais en moins vrai. T'sais. Puis là, on a enfin un gouvernement des médecins spécialistes, premier ministre, ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, oui. Tous des ministres de taille, au propre comme au figuré, qui contrôle 75 % du budget du Québec. Et on sait que les médecins spécialistes sont payés à l'acte. Alors, accrochez-vous. Surtout, on a enfin, un gouvernement d'hommes. Les vraies affaires, c'est ça. Ça prend des gars pour compresser des finances, Vautier, puis appliquer le programme de la CAQ. C'est ça qu'il nous faut. Pas des madames avec des émotions, là. Des hommes, ouais. Des vrais. Là. Ouais. Bon, ils ont mis Listerio comme vice-premier ministre pour être gentil, là, mais le whip en chef vient de Huntingdon. Ça sait faire la discipline puis imposer des couvre-feux, ça. Oui, ça, c'est sûr. Un homme, même incompétent, c'est mieux. Ça pleure pas comme Pauline Marois. Ça chiole pas comme Julie Boulet. Ça crouse pas comme Nathalie Normando. Même les gens sont pas d'accord avec ça, toi. Ça hein. Se stationne pas tout croche à l'Assemblée nationale. Ça finit pas à 2 heures pour aller chercher les enfants en garderie. Ça, c'est vrai. Puis ça met pas des post-it de couleur partout. Là. Ça laisse pas de traces quand ça nomme des juges. Non. Il y a pas de hasard. D'ailleurs, vous avez vu la couverture de Ricardo cette semaine? 100% gars, ça parle de bœuf, de barbecue, de ben fumoir, oui. De burger et de bacon. Beaucoup de bacon. Puis du bacon, on en manque pour 3,7 milliards au Québec. Fait que c'est pas du kale, puis du gluten, puis Bob le chef qui va trouver du bacon, là. Non, non, faut couper dans le gras pour avoir du bacon. Ça, c'est une vrai. Logique implacable. Puis oubliez pas qu'au Québec, oui. les entreprises rapportent 11 % des revenus d'impôts, puis les citoyens, 89 %. Ah. Alors, autre logique implacable, on va faire payer les contribuables. OK. Et parlant de couper dans le gras, là, calmez-vous, s'il vous plaît, avec la corpulence de Gaétan Barrette, là, qui disqualifierait d'être ministre de la Santé. Ça, rappelez-vous ça fait une grosse histoire. Ben, rappelez-vous que Jean Garon a été ministre de l'Éducation, ouais. hein, que Jacques Brassard a été ministre de l'Environnement, même Sam Hamad a déjà été ministre. Il l'est encore, hein? Ah, la boulette. Ben oui, vous, ministre du Travail. Oui. Ben, il est à sa place, là. Hein? Visiblement, c'est un gars qui est capable de trouver de la job malgré son CV. Ça, je trouve ça fort. C'est carré d'animer cette émission-là. Mais en terminant, là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on va parler des vraies affaires avec le PQ. Ah, ça, c'est une grosse question. Ils sont plus beaucoup. Comme vous disiez en début d'émission, il aurait donc dû faire confiance à Ginette plutôt qu'à Jeannette. Hein? Quoique Ginette est un peu ostentatoire, puis quand on y pense vraiment, elle n'a pas vraiment porté chance à Balloune Charlebois à l'époque. Alors, d'accord, avant de trouver un chef. Mon Dieu, c'est une vieille histoire, oui. ça, Seigneur. Chanter au mariage, puis tout, là. C'est ça. Mais mon Dieu. Plein de monde n'était même pas né quand c'est arrivé. Oui, on l'a. Mais avant de trouver un chef au PQ, il faut rebâtir le membership. Puis selon les rumeurs, le PQ sont justement adopté le style cocoton pour son prochain congrès. Ils vont tenir ça à Laval en disant qu'il y a des bonbons gratis si vous devenez membre. Là, tout le monde va se poignarder dans le dos, mon bonhomme. Ça va être péquiste à mort. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On a bien hâte de voir ça. Ouais. Merci à tout le monde. C'est déjà tout pour l'émission. Vous restez à l'écoute parce que c'est la bibliothèque de René qui nous suit. On merci toute l'équipe. Madame Racicot, Madame Monsieur Côté, Monsieur Gagnon, Monsieur Robert. J'ai un gros merci à nos invités de ce soir. Monsieur le ministre, on vous revoit, j'espère, très bientôt. De toute façon, comme vous êtes un ministre de Montréal, on vous réinvite à chaque fois que vous pouvez. Et puis on va vous réinviter avec Monsieur Coderre aussi. Bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Oui, bonne idée. Un Boys Club. Hein? Faire une bonne émission. Valérie Blais, on va vous voir à tous vos rodages. Il y a donc Monument, 11-12 novembre prochain. Ben, merde, alors. On fouille sur Internet, puis on va l'avoir à son rodage un peu partout en province. Merci beaucoup, Valérie. Bonne chance, on va aller vous voir. Merci à tout le monde. Écoutez-nous sur iTunes si vous écoutez la balado et si vous voulez venir assister à l'émission les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel. La semaine prochaine, nos invités, Sylvie Moreau et l'ancien ministre du Tourisme, Pascal Bérubé. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.